Bonjour à tous et bonjour à toutes. Il est l'heure de votre rendez-vous hebdomadaire avec le Disco Funk. Et bien sûr, comme d'habitude, on va commencer par la découverte. Lottie Golden et son What Is It Worth, vous connaissez ? Alors la chanteuse, elle est née en 1949 à New York. C'est un peu une touche à tout car elle est chanteuse, mais elle a aussi composé pour de nombreux artistes. Si je vous dis Sharon Brown et son I Specialize in Love, ça vous parle bien sûr. Eh bien, c'était elle à la composition. Elle a une carrière, mais alors longue comme le bras, et elle continue d'écrire encore aujourd'hui. Elle fait quelques récitals par-ci par-là. Le morceau qu'on va écouter est paru en 1982, et croyez-moi, ça vaut le détour. C'est parti. We'll be right back. Faites le plein de bonnes ondes avec Fadjet. I'll Be Around est une chanson soul écrite par Tom Bell et Phil Hertz pour le groupe américain The Spinners. Elle est sortie en single en 1972, elle va être intégrée dans l'album studio Spinners. Les paroles de la chanson décrivent un narrateur, le chanteur principal Bobby Smith en l'occurrence, qui promet à son dévouement et son amour à une femme qui vient de le quitter pour un autre, tout en espérant secrètement qu'elle reviendra vers lui. Au cas où elle changerait d'avis, il serait là, I'll be around. Toute une promesse. Aux États-Unis, le single va atteindre la première place du classement soul et la troisième position dans le classement pop. Ça sera la première chanson des Spinners à atteindre un tel classement. Claude François, il va adapter I'll be around en français sous le titre « Soudain, il ne reste qu'une chanson » avec des paroles de Jean-Michel Riva et ça sera paru sur l'album « Toi et moi contre le monde entier » écrit en 1975. J'avais envie de l'écouter et vous verrez la suite. Elle a un rapport lointain avec cette chanson. C'est parti. Vous allez voir tout de suite le rapport, parce que pour l'instant français, je vous ai dégoté un petit clo-clo encore inédit dans mon émission. Eh oui ! Alors, Disco Météo, tout un titre, sorti en 1978. Elle est parue dans l'album Magnolia Forever, le dernier, et elle figure aussi sur la face B du 45 tours Écoute ma chanson. Bon, alors, c'est pas sa meilleure chanson, mais la rythmique, elle me plaît bien, alors on va l'écouter tout de suite. Tiens, quel temps aujourd'hui ? Oh. Véronique, mercredi Céline, jeudi Angélique, vendredi Bervanche, samedi Joséphine, mais tout le dimanche, je ne suis qu'à toi. Je suis au service, mes féaux de France, et toutes ces filles sur qui je me penche, ce sont des clones, ce sont des typhons, mais enfin je questionne jusqu'à l'obsession. Dans ma cage de verre climatisée, je ne vois du monde que des clichés. Je vais à l'allon exploser. Lundi Caroline, mardi Véronique, mercredi Céline, jeudi Angélique, vendredi Bervanche, samedi Joséphine, mais tout le dimanche, je ne suis qu'à toi. Je connais leur ligne qui part des tropiques, j'étudie leur signe caractéristique pour prévoir l'orage qui viendra demain. Je fais les messages du petit matin. Qui t'emportera dans le soleil, tu verras, nous volerons vers les îles lumières. Je serai pour toi le ciel, nous ne verrons plus la fin du jour. Le dimanche est bien trop Je ne savais pas que c'était aussi chaud à Météo France. Du coup, j'ai peut-être bien postulé. Alors, on n'en a pas fini avec Clo-Clo parce qu'on arrive là au Maxi. Le groupe Change, que l'on n'a pas entendu depuis un moment, il va nous faire les honneurs du jour. The Very Best in You est paru en 1982 et est extrait de l'album Sharing Your Love. Il s'agit du troisième album du groupe. Dans cet album sera tirée la reprise de Cette année-là de Clo-Clo, qui était déjà une reprise d'un autre titre. Du bon, en quelque sorte, que je vous laisse découvrir. We'll be right back. Dirige tout doucement vers la fin de notre émission, mais pour la pépite, j'ai eu envie d'écouter Justin Brown et son Somebody Else Guys, sorti en 1984. La chanteuse, elle va être révélée par Céron, car elle chante aussi avec lui où elle fait les chœurs. Elle va participer au groupe Inner Life et Change, qu'on vient d'écouter d'ailleurs. Et vous allez vite vous rendre compte de sa voix si puissante. C'était en 1984 et ça donnait ça. So real, yeah, yeah, yeah. Oh, what am I Il est temps de se quitter. Je vous dis bonne soirée, bonne semaine. Rendez-vous samedi prochain, même heure, même endroit. Bye bye.